The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. You. Vous. To speak. Parler. Little. Petit peu. So. Alors. Language. La langue. Now, a bit faster. You. Vous. So. Alors. Little. Petit peu. Language. La langue. You. Vous. Little. Petit peu. So. Alors. You. Vous. Now, use the words in context. Vous. You are English. Vous êtes anglais. Parlez. She speaks Russian. Elle parle russe. Petit peu. A little silence, please. Un petit peu de silence, s'il vous plaît. Alors. So, he's American? Alors, il est américain? La langue. She speaks three languages fluently. Elle parle trois langues couramment. Vous. You are English. Vous êtes anglais. Petit peu. A little silence, please. Un petit peu de silence, s'il vous plaît. Alors. So, he's American? Alors, il est américain? La langue. She speaks three languages fluently. Elle parle trois langues couramment.